cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Merci d'écouter les Sport News, il est 10h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et voici les Sport News, merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Je vous rappelle le numéro de téléphone, tous vos résultats 03 21 38 17 17. Et c'est parti. On commence par le football et en Ligue 1, après 3 défaites consécutives, eh bien Lille se déplace chez les Verts de Saint-Etienne. En Ligue 2, belle victoire de Lens à Valenciennes, c'était hier après-midi, 1-2. Victoire en fin de rencontre grâce à Benjamin Bourigeaud qui a à 30 secondes eh bien, avant le coup de sifflet marqué naturellement le but de la victoire. 1-2 donc pour Lens à Valenciennes. Un bon groupe lensois, Mathias Sautré. On a surtout montré des qualités humaines. On a vu un groupe soudé, généreux sur tous les points. Et voilà, ça nous a souri aujourd'hui. C'est vrai que c'était pourtant mal engagé et difficile, parce que cette équipe de Valenciennes est une bonne équipe. Et en plus à 10 contre 11, c'est pas évident. Mais on a montré des belles valeurs et c'est quelque chose qu'il faut garder pour la suite de la saison. Et on espère que ce sera bien sûr très bon pour la suite. En national, et bien défaite de l'USBCO à Quevilly, 2-1. Mauvaise défaite pour les Boulonnais qui ont dominé. Mais les arrêts de jeu, et bien, ont coûté cher au but d'un tour de brio contre son camp, malgré et bien, un jeu à 10 en fin de rencontre. Au classement, et bien, Boulogne est 7e, en tête Concarneau, Dunkerque est 4e. Deuxième division honneur féminine, et bien, l'équipe de Frédéric Bouclet de l'USBCO, bien sûr, vont recevoir Lorient tout à l'heure à 15h à la Warocry. Toujours en football et en Coupe de France, et bien c'est le 4e tour de la Coupe ce dimanche. Hasbrouck ira à Blériot, Longnes va se déplacer vers l'équipe de Philippe Lemaître qui connaît bien la Coupe de France. La JSL et bien, ira à Stenvoord, une belle rencontre à suivre. Le Stade Portelois et bien, se déplace à Anzin. Saint-Omer, un match piège, reçoit Calais-Pascal. Rendez-vous bien sûr à 15h. Christophe Mersman, l'entraîneur de l'USSO. Bah, elles sont difficiles, mais Saint-Omer est difficile à jouer. Donc, L'avantage du terrain. Oui, l'avantage du terrain, mais après, ça va rester un match de Coupe de France. Ils vont venir avec le couteau entre les dents, vouloir faire l'exploit. À nous de montrer notre supériorité au niveau des divisions, parce qu'on sait qu'en Coupe de France, les qualités se nivellent. Et puis, on va tout faire pour se qualifier au 5e tour. Par rapport au match de Coupe la semaine prochaine ? Moi, je mets 11 joueurs différents. D'accord. Non, je plaisante. Non, on verra déjà en fonction de l'état de forme des joueurs. Il y a eu un ou deux blessés. En fonction de l'équipe de Calais, d'objectifs qu'on va se mettre au niveau du match. Donc, je sais que j'ai à disposition un groupe de 28 joueurs. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment 28 joueurs qui tirent dans le même sens. Et je sais que je peux compter sur beaucoup de monde. Donc, Et résultat, bien sûr, ce sera tout à l'heure, Saint-Omer, Calais-Pascal. Donc à 15h, Ersolalis reçoit Neuchâtel, Arnec ira à Billy, et Étape eh bien, se déplace à Audruy. Voilà en gros quelques matchs qu'il faudrait bien sûr suivre en Coupe de France. En basket, eh bien, victoire de l'SOMB face au Havre, c'était hier soir, 67-55 pour le compte de la Leader Cup Disney. C'était la première rencontre du Hollandais qui a montré sa présence et même une forte présence dès les premières minutes de la rencontre. Ça promet donc de jonc une perle pour les prochaines rencontres. Victoire de Boulogne 67-55, je vous rappelle, samedi prochain. Et bien déplacement toujours pour le compte de la Leader Cup, déplacement à Lille. Il faudra attendre bien sûr encore quelques semaines pour le début du championnat. Basket toujours, National 3, défaite du BC Ardres à Gennevilliers 71-69, défaite de l'Olympique de Grande-Synthe qui recevait Amiens 75-97 et défaite également de Gravelines-Grandfort à Bonconseil 61-55. En National 2, victoire de Calais Basket qui recevait Longwy 75-67. Calais est en tête du classement, pourvu que ça dure. Défaite de Berck Renduflier, 79-82, face à Maubeuge. Et du côté de l'excellence région, eh bien, défaite de l'AOSM, 76-57, c'était face à Vambrechy. Du côté du rink hockey, eh bien, belle victoire du Scra hier soir face au champion en titre, La Roche-sur-Yon, 5-3, 1-2 à la mi-temps, une rencontre équilibrée. Mais Saint-Omer, eh bien, réussit à percer la défense vendéenne en seconde période. Mathieu Leroux, eh bien, est sorti avec un carton bleu, on lui pardonne. Mais même, eh bien, à 3, Saint-Omer a réussi à maîtriser la rencontre. Une belle victoire pour Mathieu Leroux. Bah ouais, ouais, je pense que là, on a gagné avec le, avec la rage et l'envie, parce que en début de saison comme ça, les équipes avec beaucoup de changements de joueurs sont pas forcément prêtes tactiquement. Donc là, on savait que de toute façon, ça allait avec la rage de vaincre et l'envie qu'on allait gagner, bah, ça s'est vu en fin de match. Qu'est-ce qui a fait la différence? Une volonté de battre le champion en titre? Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. C'est une équipe que, bon, ça fait quelques années que c'est un peu notre bête noire. On a énormément de mal à jouer contre eux. On prend des scores assez sévères chaque année. Donc là, cette année, on avait envie de repartir sur de bonnes bases en les battant champion en titre et en plus notre bête noire. Donc avec la manière et l'envie, quoi. Et une déception pour le carton bleu? Ah, une petite déception, mais bon, mes coéquipiers ont rattrapé. Merci à toi. C'est vrai qu'ils ont bien joué pendant ce match à trois joueurs et des erreurs qui ont coûté cher du côté du champion en titre La Roche-sur-Yon, Bruno Di Benedetto. Bah, on a fait des petites erreurs au moment où il ne fallait pas. Et, ouais. À 3-3, on a fait des petites erreurs qu'il ne faut pas. On ne suit pas notre joueur ou on n'est pas. Bah, toute l'équipe n'était pas assez concentrée pour aller chercher la victoire. Et après, bah, sur le 4-3, c'est un peu toute l'équipe un peu emportée et on a voulu trop bien faire et on s'est perdu. Bah, on savait que ça allait être équilibré et on savait qu'ils allaient venir nous chercher parce que c'est normal, ils sont chez eux. Au contraire, c'est eux qui devaient gagner obligatoirement parce que c'est le premier match chez eux, ils devaient bien faire. Nous aussi, on devait gagner vu qu'on est champion en titre, mais on savait que ça allait être dur et ça l'a été. Et ça a été compliqué naturellement, mais un beau match. Victoire du Scra 5-3, samedi prochain, déplacement à Nantes. Une rencontre à l'extérieur à suivre, bien sûr, c'est le premier déplacement. Du côté du handball, eh bien, le HBLM a montré sa supériorité dès l'entame du match hier soir face à Grandfort. Une équipe solidaire et une bonne défense, eh bien, ont permis à Longnes de remporter la rencontre sur un score de 33-21. Et encore une victoire pour l'entraîneur Bertrand Leca. Oui, c'est très bien parce qu'on voit le travail qui porte ses fruits. On a Cora qui a pris le lead de l'équipe et qui fait un très bon travail en tant que coach. Les joueurs sont impliqués et résultat, on arrive à faire deux victoires sur les 15 derniers jours. On gagne Neuville-en-Ferrin en championnat, on gagne Grandfort en coupe. Donc c'est très encourageant. On va continuer à travailler dans ce sens-là et puis on espère que ça va payer jusqu'à la fin de saison. Quelles sont les ambitions justement pour la saison? Aucune ambition. Pour l'instant, comme on recrée un groupe assez jeune, on va essayer de viser le maintien. Maintenant, si ça travaille autant et que c'est toujours aussi en réussite, on verra peut-être pour changer les objectifs. Mais pour l'instant, non. Maintien. Et ouais, c'est bon, bien sûr, pour la suite. Réaction du nordiste et l'entraîneur de Grandfort, Alain Tipret. C'était l'équipe réserve qui jouait ce soir. Donc j'ai fait monter des gamins pour pouvoir jouer. Ils se sont un peu trouvés en première défense. Ils ont fait de belles choses en deuxième mi-temps. Donc la déception pour la défaite, bien sûr, mais beaucoup de satisfaction derrière, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe ce soir? Deux, trois anciens pour tenir un peu le ballon quand il fallait le tenir. Et puis voilà, quoi. Beaucoup d'envie en face, surtout aussi. Hein. L'équipe de Longdes a joué le jeu comme il fallait jouer, tout simplement. Et comment allez-vous aborder les prochains matchs? On joue donc en pré-national et en honneur. C'est un peu difficile. L'honneur, c'est vraiment pour les gamins, pour les faire progresser, pour essayer de se maintenir. Ça va être le but. Et la pré-national, donc on va jouer largement au-dessus avec des joueurs qui ont le niveau pré-national, donc ça va aller. Voilà, donc victoire du HBLM en coupe, 33-21, reportage signé Quentin, et puis une bonne maîtrise pour l'équipe d'Hasbrook qui a également passé le tour de la Coupe de France après une victoire. Et puis à 10h50, nous parlerons du handball de Boulogne et c'est Nicolas Desgardins qui sera notre invité. Pour terminer cette page de sport, de Sport News naturellement pour les résultats, un mot de tennis, bravo à Lucas Pouille qui sera en finale de l'Open de Moselle. Lucas s'est bien remis bien sûr de la défaite en demi-finale de la Coupe Davis. Lucas Pouille est originaire, vous le savez, de Grande-Synthe. Vos places à gagner pour le BCM. Premier match, ce sera le 3 octobre, lundi soir, pour la rencontre face à Paris-Levallois. À gagner, numéro de téléphone 03 21 38 17 17. Bon week-end sur Énergie.

sinking, trapped and fading, nearly there. No control. Et merci d'être avec nous dans les Sports News. Les résultats des sports, naturellement, 03 21 38 17 17. Dans un instant, nous allons recevoir notre premier invité du week-end, ce dimanche matin. Et bien, c'est Gérard Cogrampeau pour nous parler de la course des marais. Ça aura lieu le week-end prochain. On en reparle dans un instant avec notre premier invité du week-end. Un pour tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec énergie, hit music only. En ce moment, avec les affaires Bricoman, des 800 euros d'achat cuisine, le plan de travail stratifié 3 mètres polyrets est offert. Offre valable du 23 septembre au 19 octobre 2016 sur caisson, façade, crédence, évier, robinetterie, électroménager et autres accessoires cuisine. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop, voire conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Énergie présente, Louane, le concert au cinéma. Le week-end du 24 et 25 septembre, découvrez dans plus de 200 salles partout en France, le concert totalement inédit de Louane, diffusé uniquement au cinéma. Plus d'infos sur energie.fr et patelive.com. Le concert de Louane au cinéma, un événement. Energy, it's music only. Le Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Vous avez déjà rêvé de perdre du poids sans avoir l'impression de faire un régime ? Avec Regimebox.fr, c'est possible. Vous mangez de vrais repas, délicieux et livrés à domicile. En plus, vous bénéficiez d'une réduction de 40%. Et surtout, ça marche. Je m'appelle Marie. Avec Regimebox, j'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Michel, j'ai pris 15 kilos quand j'ai arrêté de fumer. J'ai tout perdu en 4 mois en mangeant de bons petits plats avec Regimebox. Catherine, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois très facilement. C'est pas cher et on mincit vite. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Allez sur Regimebox.fr pour bénéficier de 40% de réduction. Regimebox.fr. Faites la teuf sur Énergie tous les week-ends avec les top DJ mondiaux. Énergie extravagante. The DJs are great. Tiesto, Martin Garrix, Armin van Buuren, Sander van Doorn, Hardwell, Dimitri Vegas et Like Mike, Steve Aoki. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Style jusqu'à minuit. Ici, c'est Énergie. La radio des top DJ mondiaux. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur Conforama.fr. Énergie, ma radio, ma ville, dans l'Audomarois, 102.3. Le Partouche Megapot est actuellement le plus gros jackpot à gagner en France. Plus d'1 800 000 euros à gagner avec seulement 2 euros misés. Tentez votre chance au casino Partouche, le Touquet à Calais. Partouche ! Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour docteur. Ah, monsieur Dubois. Alors, cette installation, ça se passe bien ? Parfait. Grâce à votre avance premiers honoraires, j'ai pu investir dans ce fauteuil. Ça détend quand on débute. Pas vrai que ça détend, monsieur ? Un petit peu trop. Parce que les pros n'ont pas les mêmes besoins que tout le monde, nous les accompagnons comme personne. La Banque Populaire du Nord crée l'offre avance premiers honoraires pour permettre aux professions libérales de s'installer sereinement. Banque Populaire du Nord. Additionnez les forces, multipliez les chances. Voir conditions en agence. Le 2 octobre, les légumes débarquent à Saint-Omer. Tchou tchou. Un chou-fleur, à l'accueil comme tout le monde. C'est la 7e fête du chou-fleur et du légume à Saint-Omer. De 9h à 18h, place de la GR, animation, marché flottant, marché du terroir et l'incontournable course du marais. Et c'est pas des salades. Fête du chou-fleur et du légume à Saint-Omer. Dimanche 2 octobre, programme complet sur ville-saint-omer.fr. Moi j'ai plus un radis. T'inquiète, c'est gratuit. L'actu, c'est aussi sur Énergie. Communiquez gratuitement sur Énergie tous vos événements. Associations, sportifs, particuliers, envoyez-nous vos infos sur studio@energienordlittoral.fr. Énergie, partenaire de vos manifestations. Stade Bollard, Lens, 35 000 spectateurs. Grand Stade, Lille, 50 000 places. Et vous, pour toucher autant de monde, vous faites comment ? Comment ? Avec Énergie Nord Littoral, communiquez en radio sur le programme local numéro 1 dans l'Audomarois. Énergie, numéro 1 sur le Pas-de-Calais, avec 179 400 auditeurs quotidiens. Et local numéro 1 à Saint-Omer et sa région. Énergie Nord Littoral. Captez plus. Contactez-nous sur energienordlittoral.com. Source média locale Médiamétrie, septembre 2015, juin 2016, audience cumulée. Énergie, it's music only avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des Zéniths partout en France et sera le vendredi 25 novembre au Calypso à Calais. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et points de vente habituels. Kinvé en concert. Dans un monde meilleur. Un événement Énergie. It's music only. Music only. Énergie Nord Littoral, partenaire du BCM Gravelines Dunkerque. Suivez en direct et en intégralité les matchs sur la web radio du BCM. Ce lundi 3 octobre, premier match à domicile pour le BCM face à Paris Levallois. Vos places à gagner en écoutant les Sports News sur Énergie. C'est également l'occasion de voir la nouvelle formation pour cette saison. Laissez-vous prendre au jeu. Gagnez vos places pour le prochain match. Avec Énergie Nord Littoral et le BCM, le basket est en nous. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Toute l'actu sportive et réactions à chaud dans les Sports News. Ce matin, dans les Sports News, eh bien, nous recevons Gérard Cocampo. Gérard Cocampo, bonjour. Bonjour. Alors, la course des Marais, on peut dire que ça devient une célèbre course, tout comme le Watt Cassel. On n'est qu'à la quatrième édition, mais c'est vrai qu'il y a un engouement important pour cette course, puisque l'an dernier, nous étions près de 1200 coureurs, petits et grands, donc on en attend au moins autant cette année. Alors, une course qui a changé par rapport à l'année dernière, un parcours un petit peu différent? Non, le parcours est le même, on n'a pas modifié le parcours, il traverse les chemins et les routes du Marais. On n'est pas non plus trop embêté au niveau de la sécurité, on a réussi à faire en sorte que ça se passe, ça devrait bien se passer, ça va bien se passer, avec tous nos bénévoles qui seront là le jour de la course. La course du Marais qui prend de l'ampleur, qu'est-ce qui fait justement la réussite de cette course? Parce que c'est les Marais de Marois? Oui, je pense que le site y fait. Bon, le fait qu'à Saint-Omer, il y avait déjà pas mal d'années qu'il n'y ait plus de course, donc on sent quand même qu'il y a un engouement et une participation importante des coureurs locaux, qu'ils soient de Saint-Omer et de la région de Maroise, que l'on n'a pas dans les autres courses. Autour Saint-Omer, ça s'agrandit un peu le départ, les coureurs? Oui, ça s'agrandit. On a des coureurs de la région calaisienne, de la région boulonnaise, de la région dunkerquoise. Donc non, les coureurs viennent de partout, de Lille également, évidemment avec une concentration importante de coureurs locaux. Alors vous faites le parcours, vous le connaissez par cœur. Il y a de grosses difficultés, c'est un parcours agréable dans les marais. Oui, alors on peut dire que on pourrait appeler ça la course des ponts, puisque nous avons 13 ou 14 ponts. Donc c'est là où ça, la plus grande difficulté est là. Les monter les ponts et les descendre aussi, puisque c'est pour les coureurs, c'est également un peu percutant pour les jambes. Justement, c'est ce qui fait le charme dans cette course, ce sont les ponts, c'est les marais naturellement, oui. Et puis une belle balade. Oui, les coureurs traversent des champs, tout en étant sur les chemins, ils traversent les champs de choux-fleurs. Et puis il ne faut pas oublier que nous avons également des randonnées, donc les randonneurs qui empruntent le même parcours que les coureurs, avec un décalage au niveau horaire. Mais eux ont tout le temps de voir ce qui se passe autour d'eux. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Un numéro de téléphone peut-être ? Oui, on peut s'inscrire. Alors, pas d'inscription le jour de la course. Inscription tardive au magasin Décathlon le vendredi 30 septembre jusqu'à 21h. Et sinon, un numéro de téléphone, le mien, 06 75 02 20 94. Et toujours la participation d'autres clubs. Les autres clubs, alors on fait partie du challenge Cazaux, courir autour de Saint-Omer, et nous avons énormément de clubs locaux qui participent à cette course. Gérard Concompo, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce matin. Et puis allez, vive la course du Marais, vive la fête du Marais. Merci et au plaisir. Merci à vous. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. Salut, c'est Quentin Auchard, attaquant de la GSL. J'écoute les Sport News avec GF. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais nos grands dégâts de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, viens. Si tu me parles, viens. Si tu me touches, viens. Hey!

en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribo. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I kill any pain. Look what you done. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. Man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Sport News Energy, notre invité du week-end. Nicolas Desgarlin est avec nous. Nicolas, bonjour. Bonjour. Président du club de handball de Boulogne-sur-Mer. C'est ça, oui, depuis cette année. En quelques mots, est-ce qu'on peut présenter votre... Vous pouvez nous présenter votre club? Donc, notre club est en pleine mutation, hein, il est en plein développement. Cette saison, nous aurons 6 équipes, des moins de 9, des moins de 11, des moins de 13, des moins de 15 et deux équipes seniors garçons. Qui joue dans quel championnat? Donc l'équipe première joue en pré-régional pour, et nous visons la montée en régional. C'est l'objectif de cette année? C'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire est de développer les équipes jeunes, principalement, car je pense que c'est un vecteur d'avenir. Donc les équipes moins de 9 principalement qui vont pouvoir commencer le handball et nous espérons les garder jusqu'à 18, 25 ans pour que notre équipe soit très forte plus tard. Combien d'adhérents, combien de sportifs sont inscrits dans votre club? Donc, cette année, nous visons la centaine de licenciés. Au niveau championnat, c'est un championnat nouveau pour vous cette année? Non. Pour l'équipe première, ça fait plusieurs années qu'elle joue à ce niveau-là. Pour l'équipe moins de 13, c'est la troisième année qu'elle est engagée en championnat départemental et pour la moins de 15 aussi. Alors si on a envie de s'inscrire dans votre club, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut s'inscrire, oui, ou on peut découvrir votre club également? Oui, donc il y a mon numéro. Donc le 06 62 73 35 52. Cette année, on rappelle, hein, donc championnat en... Pré-régional, oui. Et objectif, le maintien? Éventuellement le maintien, oui, et pourquoi pas la montée, on ne sait jamais. Hein. On a des joueurs qui sont pleins de bonne volonté, les 3 entraînements semaine, et nous espérons, pourquoi pas, monter en régional. On est sympa, on donne le numéro de téléphone? Donc 06 62 73 35 52. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci bien. Merci. Au revoir. Salut à tous, c'est François Brouard, joueur de Saint-Quentin-Blessis, et j'écoute les Sport News sur Énergie. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. Strong. On my face, I tell them, dog, gone. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun.

Et c'est parti, seconde partie des Sport News, tous vos résultats, vous pouvez également nous les communiquer au 03 21 38 17 17, merci d'être avec nous, il est 11h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et voici la seconde partie des Sport News. Sport News. Et on commence par le football en Ligue 1 après 3 défaites consécutives. Eh bien, Lille se déplace chez les Verts de Saint-Étienne. En Ligue 2, belle victoire de Lens à Valenciennes. C'était donc hier après-midi 1-2. Victoire en fin de rencontre grâce au but de Benjamin Bourigeaud en 30 secondes, donc avant la fin du coup de sifflet final. Réaction de l'entraîneur de Lens sur cette bonne défense. Il est question de penser à bien défendre pour avoir les situations pour bien attaquer. Vous savez, à partir du moment où je fais rentrer des joueurs comme Clonaridis ou Benjamin Bourigeaud, sont des joueurs avec des jambes, des joueurs qui sont capables dans les dernières minutes d'appeler dans le dos des défenses. Ça a été le cas. Quand on a des joueurs capables de mettre ces ballons qui gagnent l'espace entre la défense et le gardien de but, des joueurs comme Bostock, des joueurs comme Zoubir, et je pense qu'il ne faut pas se priver de la possibilité d'y croire jusqu'au bout. Et voilà, donc victoire, et belle victoire, méritée naturellement de Lens 1-2. Ça fait plaisir, notre ami Quentin. Et en national, et bien défaite de l'USBCO à Quevilly 2-1. Une mauvaise défaite hein, pour les Boulonnais qui ont dominé. Mais les arrêts de jeu et bien ont coûté cher au but de naturellement Brio sur un contre son camp, malgré et bien un jeu à 10. Donc résultat final 2-1 à Quevilly pour l'USBCO. Au classement, Boulogne est 7e, en tête Concarneau, Dunkerque est 4e, et puis en 2e division féminine, puisque nous sommes à Boulogne, eh bien l'équipe de Frédéric Bouclet vont recevoir Lorient. Ce sera tout à l'heure à 15h à la Warocry, donc allez supporter les filles. On passe en Coupe de France et quelques rencontres à suivre. Hasbrouck ira à Blériot, Longnes va se déplacer vers l'équipe de Philippe Lemaître qui connaît bien la Coupe de France. On se souvient bien sûr de Hers-sur-la-Lys Lyon. La JSL ira à Stenvoort donc pour une belle rencontre. Le Stade Portelois se déplace à 11-1. Et puis une journée historique en prévision pour les jaunes et bleus qui atteignent pour la première fois le stade du 4e tour de la Coupe de France. C'est bien sûr l'équipe de Bavinkov qui va naturellement bien jouer, et on l'espère, face à la Gorg. C'est un match donc historique, je vous le disais, pour les nordistes. Et puis Saint-Omer, eh bien un match piège hein, donc attention tout à l'heure au stade Gaston Bonnet. Eh bien Saint-Omer va recevoir Calais-Pascal. Réaction de Christophe Merseman qui a bien préparé cette rencontre. Bah, elles sont difficiles, mais Saint-Omer est difficile à jouer. Donc du terrain. Oui, l'avantage du terrain, mais après ça va rester un match de Coupe de France. Voilà, ils vont venir avec le couteau entre les dents, vouloir faire l'exploit. À nous de montrer notre supériorité au niveau des divisions, parce qu'on sait qu'en Coupe de France, les qualités se nivellent. Et puis, on va tout faire pour se qualifier au 5e tour. Par rapport au match de coupe la semaine prochaine ? Moi, je mets 11 joueurs différents. D'accord. Non, je plaisante. Non, on verra déjà en fonction de l'état de forme des joueurs. Il y a eu un ou deux blessés. En fonction de l'équipe de Calais, d'objectifs qu'on va se mettre au niveau du match. Donc, je sais que j'ai à disposition un groupe de 28 joueurs. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment 28 joueurs qui tirent dans le même sens. Et je sais que je peux compter sur beaucoup de monde. Donc, Voilà, donc on espère naturellement cette victoire pour poursuivre le beau chemin comme l'année dernière, Saint-Omer, Calais-Pascal, donc c'est à 15h. Air Soali se reçoit Neuchâtel, du côté de Boulogne, naturellement, on est prêt également à se déplacer à Air. Et Arnec, eh bien, ira à Billy, et puis Étape, eh bien, se déplace à Audruc. Voilà quelques matchs à ne pas rater, ils sont nombreux, on ne peut pas naturellement vous énumérer toutes les rencontres qui auront lieu à 15h pour cette Coupe de France. Et en basket, et en, bien sûr, une belle victoire de l'SOMB face au Havre, hier soir, 67-55 pour le compte de la Leader Cup Disney. C'était la première rencontre du Hollandais qui a montré sa présence dès les premières minutes de la rencontre. De Jonk, une perle pour les prochaines rencontres du championnat qui va démarrer dans 15 jours. Victoire de Boulogne, donc je vous le disais, 67-55, samedi prochain, déplacement à Lille, toujours pour le compte de la Leader Cup. Quelques résultats en National 3, défaite du BC Ardre à Gennevilliers, 71-69, défaite de l'Olympique de Grande-Synthe qui recevait Amiens, 75-97, défaite de Gravelines-Grandfort à Bon-Conseil, 61-55. En National 2, eh bien, victoire de Calais Basket qui recevait Longwy, 75-67. Calais est en tête du classement. Et puis défaite de Berck-Renduflier, 79-82 face à Maubeuge. Et puis en excellence région, eh bien, défaite de la OSM, 76-57 face à Vambrechy. Du côté du ring hockey, eh bien, c'est une belle réussite et une belle victoire du SCRA hier soir face au champion en titre La Roche-sur-Yon, 5-3, 1-2 à la mi-temps. Une rencontre équilibrée, mais Saint-Omer eh bien, réussit à percer la défense vendéenne. En seconde période, Mathieu Leroux est sorti avec un carton bleu. Et puis même à 3, eh bien, Saint-Omer a bien mené cette rencontre et a réussi à maîtriser ce match. Donc, je vous le disais, beau match au Brocus hier soir. Des erreurs de l'équipe vendéenne, Bruno Del Medito. Bah, on a fait des petites erreurs au moment où il ne fallait pas. Et il y avait 3. À 3-3, on a fait des petites erreurs qu'il ne faut pas. On ne suit pas notre joueur ou on n'est pas. Bah, toute l'équipe n'était pas assez concentrée pour aller chercher la victoire. Et après, bah, sur le 4-3, c'est un peu. Toute l'équipe est un peu emportée et on a voulu trop bien faire et on s'est perdu. Bah, on savait que ça allait être équilibré et on savait qu'ils allaient venir nous chercher parce que c'est normal, ils sont chez eux. Au contraire, c'est eux qui devaient gagner obligatoirement parce que c'est le premier match chez eux, ils devaient bien faire. Nous aussi, on devait gagner vu qu'on est champion en titre, mais on savait que ça allait être dur et ça l'a été. Eh oui, il faut être concentré hein, pour venir Bruno à Saint-Omer. Une victoire pour démarrer le championnat, c'est très important pour Tony Serrault. Oui, c'est voilà. Important. Les premiers matchs de la saison 2016-2017, c'est très important pour gagner. Et bon, c'est ça qu'on gagne. Contre la Roche-sur-Yon, c'est les division champion. Champion en titre. Champion en titre et champion de Coupe de France. Bon, c'est bien. Bon, la différence, c'est tous ensemble, c'est important. Et continuer comme ça, c'est très très très important. Et Pedro a fait un très bon match, je vous dis. Et arrêter des fonds directs, c'est très important. Et bon, c'est... Un match équilibré ou plus en faveur du SCRA où on a vu vraiment la différence de niveau entre les deux équipes? Bon, c'est un match équilibré, juste à la dernière minute. Bon, c'est bien. Et voilà, heureux naturellement, Tony, victoire du SCRA 5-3, je vous le disais, samedi prochain, déplacement à Nantes pour une rencontre à l'extérieur, première rencontre à l'extérieur à suivre naturellement, puisque bien, Fabien nous le disait, on a peiné beaucoup l'année dernière à l'extérieur. Handball, Coupe de France, le HBLM eh bien, a montré sa supériorité dès l'entame de match hier soir face à Grandfort. Une équipe solidaire et une bonne défense ont permis à Longnes eh bien, de remporter la rencontre sur un score de 33-21. Réaction de Julien Calin du HBLM. Voilà ce qui a fait la différence, c'est la motivation dans le groupe. On sent depuis quelques semaines qu'il y a un vrai collectif, une vraie envie de jouer les uns pour les autres. Et je pense que ça s'est montré, ça s'est vu ce soir, et d'où la victoire, avec grand plaisir. Est-ce que c'était l'objectif que vous étiez fixé? Non, pas du tout, on n'a aucun objectif de victoire. Ce qu'on veut, c'est jouer. Là, on a un nouveau groupe, tout jeune, avec beaucoup d'anciens qui sont partis. Tout ce qu'on veut, c'est créer un groupe, créer un collectif. Et voilà, on est sur la bonne voie. Et comment vous pensez aborder le prochain match? Comme celui-ci, l'agnac, l'envie de jouer pour les autres. Et voilà, on va se battre. Et voilà, c'est bien parti hein, pour ce début de championnat, puis également en Coupe de France pour le HBLM. Grandfort, eh bien, joué avec une équipe très jeune, c'est ce qui a fait naturellement la différence hier soir au complexe, l'entraîneur de Grandfort. C'était l'équipe réserve qui jouait ce soir, donc j'ai fait monter des gamins pour pouvoir jouer. Ils se sont un peu trouvés en première défense, ils ont fait de belles choses en deuxième mi-temps, donc la déception pour la défaite bien sûr, mais beaucoup de satisfaction derrière, quoi, tout simplement.

20h midi. Le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Carrément, 11h51. On va vous dire simplement qu'on se retrouve dès le week-end prochain avec de nombreux invités encore, comme ce week-end. Que si vous voulez faire partie de l'émission, il n'y a aucun problème. On vous file un numéro de téléphone. C'est tout simplement le 03 21 38 17 17 également pour vos résultats. Et puis, notre mail, c'est studio@energienordlittoral.fr. Vous pouvez bien sûr nous envoyer toutes vos manifestations sportives et tous vos rendez-vous sportifs. Merci de nous avoir suivis pendant ces 2 heures. Passez une bonne semaine, reposez-vous bien. Du côté météo, on nous prévoit de la pluie dans le courant de l'après-midi. Donc préparez bien sûr le parapluie et allez vivre la Coupe de France, puisque c'est le 4e tour de la Coupe de France de football ce week-end. Donc allez supporter votre équipe. Merci à Quentin pour la réalisation de l'émission et rendez-vous samedi prochain 10h-12h. Bon week-end. Salut, c'est Koé. Moi, j'écoute les Sport News sur Énergie. J'en fais pas, mais j'écoute. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux, c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout, n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. Première place, baby. Allez, dan, ma ton cœur, dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. No sin,